le jour de mon anniversaire. Bébé, je m'endormirai seul. Avant je grandissais, maintenant je vieillis. J'ai fait le tour de Belize, mais aucun pays n'est vraiment fait pour moi. J'suis triste le jour de mon anniversaire. Bébé, je m'endormirai seul. Avant je grandissais, maintenant je vieillis. J'ai fait le tour de Belize, mais aucun pays n'est vraiment fait pour moi. Un piano, quelques fautes sur un texto, quelques sourires juste en coin. Je connais pas grand chose de la vie. Plus j'avance, plus je pense, plus je me rapproche de la fin. J'ai la vision des 30 piges, c'est la saison des gens tristes. Et je vis dans la prison des gens libres. Réalité dépasse les rêves, encore quelques fautes taciturnes. Je ne serai pas loin de place d'éterne. Encore un rendez-vous. Je pars en avance et j'arriverai en retard. Tellement longtemps que j'attends ce jour. Et pourtant cette année, je suis triste le jour de mon anniversaire. Bébé, je m'endormirai seul. Avant je grandissais, maintenant je vieillis. J'ai fait le tour de Belize, mais aucun pays n'est vraiment fait pour moi. Je suis triste le jour de mon anniversaire. Bébé, je m'endormirai seul. Avant je grandissais, maintenant je vieillis. J'ai fait le tour de Belize, mais aucun pays n'est vraiment fait pour moi.